Sainte Bible selon Saint Jérôme, lecture du Cantique des Cantiques au chapitre 3e. Sur ma couche, pendant des nuits, j'ai cherché celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai, et je ferai le tour de la ville. Dans les rues, et sur les places publiques, je chercherai celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Les sentinelles qui gardent la ville m'ont rencontré. N'avez-vous pas vu celui qu'aime mon âme? Lorsque je les eus un peu dépassés, j'ai trouvé celui qu'aime mon âme. Je l'ai saisi, et je ne le laisserai point aller, jusqu'à ce que je l'introduise dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et par les cerfs des campagnes, ne troublez point, n'éveillez pas la bien-aimée, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Quelle est celle-ci qui monte du désert comme une fumée légère des aromates, de myrrhe, d'encens et de toutes sortes de parfums? Voici le lit de Salomon. 60 héros l'environnent, choisis parmi les plus vaillants d'Israël. Tous tiennent des glaives et sont très exercés au combat. Chacun d'eux a l'épée au côté, à cause des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, les degrés de pourpre. Au milieu, il a tendu des tapis précieux en faveur des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon paré du diadème dont sa mère l'a couronné au jour de ses noces et au jour de la joie de son cœur. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.